بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 69، صوتنا في الحديث. يقول عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القدح، حتى رأنا قد عكلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو يخلفن الله بين وجوهكم. نقصر النعمان بن بشير رضي الله عنه. Il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: vous allez certes aligner vos rangs ou Allah mettra la divergence entre vous. Et chez Muslim, verset de Muslim, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam égalisait nos rangs, aligner nos rangs, comme s'il le faisait avec le bois d'une flèche, c'est-à-dire une ligne droite. Et lorsqu'il voyait que nous avions, juste à ce qu'il ait vu que nous avons compris cela. Et un jour est sorti et il était sur le point de faire le takbir lorsqu'il a vu un homme dont la poitrine dépassait. Donc il a dit: serviteur d'Allah, alignez vos rangs ou Allah mettra la divergence entre vous. Vous fera diverger. Naam. Taïb. قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الراوي النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري خزرجي. Donc c'est lui le rapporteur, النعمان ابن بشير. قيل هو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الحجرة. Il était dit qu'il est le premier enfant à être né des Ansar après l'arrivée du Nabi صلى الله عليه وسلم à المدينة. Lorsqu'il a fait l'hijra. تولى قضاء دمشق واستعمله معاوية على كوفة ثم على حمص. Et que ensuite il a été mis comme gouverneur, comme juge plutôt à Dimashq, c'est-à-dire à Damas, et ensuite Muawiya l'a mis comme gouverneur sur Koufa ainsi qu'à Hams. كان جوادا كريما خطيبا شاعرا قتل في قرية من قرى حمص سنة 65. Et qu'il est une personne très généreuse et très noble et un grand sermonneur très éloquent et un poète. Il a été tué dans une contrée parmi les contrées de Hams l'an 65. يقول موضوع الحديث، le sujet du hadith, بيان عقوبة من لم يسوي الصف. Maintenant c'est pour montrer le châtiment qui la menace qui plane sur ceux qui n'alignent pas leur rang. يقول في الشرح الإجمالي، le sens global du hadith. يخبر النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنفسه تسوية الصفوف تسوية تاما بمنتهى الدقة حتى كان يسوي بها القدح. Donc le Nu'man ibn Bashir, il informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui-même alignait les rangs d'une précision de façon très précise, d'accord, comme s'il le faisait avec une flèche, c'est-à-dire une flèche, vous avez vu comment c'est bien droit, que les rangs sont bien alignés, bien droits. فَلَمَا عَقَلَ السَّحَابَ ذَلِكَ وَفَهِمُوهُ وَطَبَّقُوهُ تَطْبِيقًا كَامِلًا تَرَكَ ذَلِكَ فَخَرَجَ ذَاتْ يَوْمٍ طيب. Et lorsqu'il a vu que le Sahaba avait compris et appliqué cela de eux-mêmes, il a délaissé cela, c'est-à-dire il ne faisait plus l'alignement des rangs lui-même. فَخَرَجَ ذَاتْ يَوْمٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَلَمَا وَقَفَ فِي مَكَانِ صَلَاتِهِ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَقَدِّمًا قَدْ بَدَا صَدْرُهُ فنادهم بوصف العبودية المستلزم انقيادهم وامتثالهم وتوعدهم وعيدا مؤكدا بالقسم واللام والنون إذ لم يسووا صفوفهم واختلفوا في التقدم والتأخر أن الله يخلف أو يخالف الله بين قلوبهم. Donc un jour il est sorti justement pour faire la salat avec eux et il a vu un homme qui était avancé dans les rangs dont la poitrine dépassait. Donc là, il les a appelés par la servitude, c'est-à-dire le fait de l'appeler Ibad Allah, serviteur d'Allah, pour leur faire la remarque, afin de les appeler à obéir et à se soumettre. Et il les a menacés en jurant par Allah que si jamais ils n'allaient pas leur rang, que Allah allait mettre en eux la divergence et le désaccord. Tayyib. فتخلف جهة نظرهم ويحصل التفرق وفساد المجتمع. Et que cela va amener justement à du désordre dans les sociétés et dans les populations. لأن الجزاء من جنس العمل ولأن التقدم والتأخر من بعضهم لبعض يحدث فيهم الشعور بعدم الألفة والاتحاد فيحل التفكك والاختلاف. Car le fait justement de ne pas donner d'importance à cela, certains s'avancent, certains se reculent, ça va amener justement à ce qu'ils ressentent qu'il n'y a pas d'alliance entre eux et pas d'unité entre eux. Et ce qui va amener justement aux divergences par la suite. Donc regardez bien, on constate que le fait de ne pas nier les rangs est une cause de divergence dans la Ummah. Un acte aussi simple à faire, qui est difficile à certains lorsque tu annules les rangs, des gens te regardent de façon bizarre, ou comme si tu les saoulais. Et après, on est surpris d'avoir nos rangs, de façon générale, même autour de la salat, qui sont divisés. Ils ne sont pas alignés dans la salat, et lorsqu'on veut le corriger, cela fatigue certaines personnes. Ils n'ont pas compris. Ou certains s'écartent, tu t'approches de lui, il s'éloigne, ça l'énerve, il ne veut pas que tu le touches. Ben ça, c'est pas du tout dans les choses de la salat en jamara. C'est en jamara, on est collé. On se touche, les pieds sont collés les uns aux autres, au niveau des chevilles, les épaules également, et on est tous sur le même, alignés au même stade. Et cet alignement se fait à partir des chevilles, pas du bout des pieds, car certains ont des pieds plus grands que d'autres. On ne regarde pas le bout du pied de la personne, mais on regarde au niveau de ses chevilles, est-ce qu'elles sont au même niveau que celles de son voisin. C'est de là qu'on voit l'alignement, et les épaules également. Yaqulu fi fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith. وجوب تسوية الصفوف في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على تركها ولا وعد على ترك شيء إلا أن يكون واجبا. Donc cela montre l'obligation d'aligner les rangs lors de la salat en groupe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a menacés si Amil délaissait cela et qu'il n'y a pas de menace sur une chose sans que cela prouve que c'est une obligation. Donc cela prouve qu'il s'agit d'une obligation. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استواء الصفوف استوى تاما في غاية الدقة حيث كان يباشر ذلك بنفسه ويمسح مناكب المصلين كأنما يسوي بها القضاء. Et que ça montre que l'importance que donnait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cet alignement. Qu'il cela faisait de façon très précise, comme s'il mesurait avec une flèche et qu'il mettait les épaules des gens au niveau des épaules. Wa kaza. Thalithan. أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها لأنه كالقائد للجنود. Et parmi les choses importantes, que l'imam doit surveiller que les rangs soient bien alignés. Car il est considéré comme étant justement le meneur des troupes, le meneur des armées. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, lorsqu'ils font imam, ils disent Taou, alignez-vous, ils ne regardent même pas derrière eux. Ça, c'est une erreur. Tu dois regarder derrière toi, est-ce que les rangs sont bien alignés? Tu dois vérifier cela. Et quand tu vois quelqu'un qui dépasse, tu lui indiques. Remets-toi à ta place, montre-lui. Wa'akada. Un main se mettre devant le micro, diriste-toi ou tu tournes le dos aux gens, ne vois pas. Il n'y a personne qui va vraiment réagir. Donc l'imam a une mas'ouliya, une responsabilité, c'est de regarder, de vérifier que les rangs derrière lui sont bien alignés. Taïb. وَقَالَ رَبِيًا أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُرَاقِبَ الصُّفُوفُ وَيَتَأَكَّدْ مِنْ تَسْوِيَتِهَا. Justement, il dit qu'il ne fait pas le takbir tant qu'il n'a pas surveillé que les gens, les rangs soient bien alignés. وَقَالَ أَنَّ تَقَدُّمْ عَنْ صَفْ مَخَلْ بِتَسْوِيَتِهِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا. Et que le fait justement qu'une personne soit avancée dans le rang, ne serait-ce que légèrement, cela amène une défaillance au niveau de l'alignement. Donc ne pas dire je suis, c'est quelques centimètres, quelques millimètres, on dit là, même cela. Cela ne te coûte rien de te mettre droit dans les rangs. Mais le contraire à cela, et tout à ton avantage, à ton honneur, tu en es récompensé, et tu es une cause justement d'alliance des frères entre eux en faisant cela. Et mais le contraire, ça mène à la divergence. Thaniyan jawaz al-kalam al-imam bayna al-iqama wa-s-salah. Et cela, le hadith montre qu'il est permis de parler, que l'imam lui permet de parler entre l'iqama et la salah. Thalithan an uqubat man lam yusawwi as-sufuf an yukhallif Allah bayna wujuhihim. Et le châtiment qui arrive pour ceux qui n'aiment pas leur rang, c'est que Allah met la divergence entre eux. Et vous verrez souvent quand des rangs sont bien alignés, tout le monde est bien droit, et quand on en voit un qui dépasse un peu, et même si on lui dit de reculer, de ne pas reculer, les gens le détestent. Les gens ressentent en eux comme une forme de rancœur à son encontre. Car tout le monde se met droit, tout le monde fait l'effort, et lui ne veut pas accepter. Ou il se met en avant, ou il se met en recul, de travers. Et lorsqu'on lui dit, on lui fait la remarque, il ne veut pas accepter. Dans le cœur des gens, cela joue. Et les gens le voient, cet homme-là, comme comme étant une personne qui ne veut pas écouter. Et ça amène ce que les gens ne l'aiment pas. Wa kada. Donc c'était une réalité qui est elle-même constatée. Fa nakta fi bi d'accord de l'yom, ou alhamdulillah rabbil alamin.